Les mémoires du cardinal de Ré par lui-même. Première partie, chapitre 1er, début des mémoires, naissance de Ré, galanterie et duel. Madame, quelque répugnance que je puisse avoir à vous donner l'histoire de ma vie, qui était agitée de tant d'aventures différentes, néanmoins, comme vous me l'avez demandé, je vous obéis, même aux dépens de ma réputation. Le caprice de la fortune m'a fait honneur de beaucoup de fautes, et je doute qu'il soit judicieux de lever le voile qui en cache une partie. Je vais cependant vous instruire nûment et sans détour des plus petites particularités depuis le moment que j'ai commencé à connaître mon état, et je ne vous scellerai aucune des démarches que j'ai faites en tous les temps de ma vie. Je vous supplie très humblement de ne pas être surprise de trouver si peu d'art, et au contraire tant de désordre dans ma narration, et de considérer que si en récitant les diverses parties qui la composent, j'interromps quelquefois le fil de l'histoire. Néanmoins, je ne vous dirai rien qu'avec toute la sincérité que demande l'estime que je sens pour vous. Je mets mon nom à la tête de cet ouvrage pour m'obliger davantage moi-même à ne diminuer et à ne grossir en rien la vérité. La fausse gloire et la fausse modestie sont les deux écueils que la plupart de ceux qui ont écrit leur propre vie n'ont pu éviter. Le président de Thoux l'a fait avec succès dans le dernier siècle, et dans l'Antiquité, César n'a pas échoué. Vous me faites sans doute la justice d'être persuadé que je n'allèguerai pas ces grands noms sur un sujet qui me regarde, si la sincérité n'était l'unique vertu dans laquelle il est permis et même commandé de s'égaler aux héros. Je sors d'une maison illustre en France et ancienne en Italie. Le jour de ma naissance, on prit un esturgeon monstrueux dans une petite rivière qui passe sur la terre de Montmirail, en Brie, où ma mère accoucha de moi. Comme je ne m'estime pas assez pour me croire un homme à augure, je ne rapporterai pas cette circonstance si les libelles, qui ont depuis été faits contre moi et qui en ont parlé comme d'un présage de l'agitation dont ils ont voulu me faire l'auteur, ne me donnaient lieu de craindre qu'il n'y eût de l'affectation à l'omettre. Je le communiquai à Tiki, frère de la comtesse de Mort, et je le priai de se servir de moi la première fois qu'il tirerait l'épée. Il la tirait souvent, et je n'attendis pas longtemps. Il me pria d'appeler pour lui Melbeville, ancienne colonel des gardes, qui se servit de Bassompierre, celui qui est depuis mort avec beaucoup de réputation, major général de bataille dans l'armée de l'Empire. Nous nous battîmes à l'épée et au pistolet, derrière les minimes du bois de Vincennes. Je blessai Bassompierre d'un coup d'épée dans la cuisse et d'un coup de pistolet dans le bras. Il ne laissa pas de me désarmer, parce qu'il passa sur moi et qu'il était plus âgé et plus fort. Nous allâmes séparer nos amis, qui étaient tous deux fort blessés. Ce combat fit assez de bruit, mais il ne produisit pas l'effet que j'attendais. Le procureur général commença des poursuites, mais il les discontinua à la prière de mes proches, et ainsi je demeurai avec ma soutane et un duel. La mère s'en aperçut, elle avertit mon père, et l'on me ramena à Paris assez brusquement. Il ne tint pas à moi de me consoler de son absence avec madame du Châtelet, mais comme elle était engagée avec le comte d'Harcourt, elle me traita d'écolier. Il me joua même assez publiquement sous ce titre, en présence de monsieur le comte d'Harcourt. Je m'en pris à lui. Je lui fis un appel à la comédie. Nous nous battîmes, le lendemain au matin, au-delà du faubourg Saint-Marcel. Il passa sur moi, après m'avoir donné un coup d'épée qui ne faisait qu'effleurer l'estomac. Il me porta par terre, et il eût eu infailliblement tout l'avantage si son épée ne lui fût tombée de la main en nous colletant. Je voulus raccourcir la mienne pour lui en donner dans les reins. Mais comme il était beaucoup plus fort et plus âgé que moi, il me tenait le bras si serré sous lui que je ne pus exécuter mon dessein. Nous demeurions ainsi sans nous pouvoir faire du mal, quand il me dit « Levons-nous. Il n'est pas honnête de se gourmer. Vous êtes un joli garçon, je vous estime, et je ne fais aucune difficulté, dans l'état où nous sommes, de dire que je ne vous ai donné aucun sujet de me quereller. » Nous convînmes de dire au marquis de Boissy, qui était son neveu et mon ami, comme le combat s'était passé, mais de le tenir secret à l'égard du monde, à la considération de madame du Châtelet. Ce n'était pas mon compte, mais quel moyen honnête de le refuser. On ne parla que peu de cette affaire, et encore fût-ce par l'indiscrétion de Noirmoutier, qui l'ayant appris du marquis de Boissy, l'a mis un peu dans le monde. Mais enfin, il n'y eut point de procédure, et je demeurai encore avec ma soutane et deux duels. Permettez-moi, je vous supplie, de faire un peu de réflexion sur la nature de l'esprit de l'homme. Je ne crois pas qu'il y eût eu au monde un meilleur cœur que celui de mon père, et je puis dire que sa trempe était celle de la vertu. Cependant, et ses duels et ses galanteries ne l'empêchèrent pas de faire tous ses efforts pour attacher à l'Église l'âme peut-être la moins ecclésiastique qui fût dans l'univers. La prédilection pour son aîné et la vue de l'archevêché de Paris qui était dans sa maison produisirent cet effet. Il ne le crut pas et ne le sentit pas lui-même. Je jurais qu'il lui-même jurait, dans le plus intérieur de son cœur, qu'il n'avait en cela d'autre mouvement que celui qui lui était inspiré par l'appréhension des périls auxquels la profession contraire exposerait mon âme, tant il est vrai qu'il n'y a rien qui soit ni sujet à l'illusion que la piété. Toutes sortes d'erreurs se glissent et se cachent sous son voile. Elle consacre toutes sortes d'imaginations, et la meilleure intention ne suffit pas pour en faire éviter le travers. Enfin, après tout ce que je viens de vous raconter, je demeurai d'église. Je querellai à propos de rien, Pralin. Nous nous battîmes dans le bois de Boulogne, après avoir eu des peines incroyables à nous échapper de ceux qui nous voulaient arrêter. Il me donna un grand coup d'épée dans la gorge, je lui en donnai un qui n'était pas moindre dans le bras. M'ayant cours, écuyer de mon frère qui me servait et qui avait été blessé dans le petit ventre et désarmé, et le chevalier du Plessis, second de Pralin, nous vinrent séparer. Je n'oublie rien pour faire éclater ce combat, jusqu'au point d'avoir posté des témoins. Mais l'on ne peut forcer le destin, et l'on ne songea pas seulement à en informer.